Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par Devenir Entrepreneur, une plateforme web qui vous présente les défis et bonheurs du métier d'entrepreneur. Découvrez des entrepreneurs ambitieux et leurs stratégies de croissance à l'échelle locale et internationale en visitant devenirentrepreneur.com. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'entrée de Terre-Neuve dans la Fédération canadienne en 1949. They were divided in the referendum, leading up to it, and on the day that it was held, and for months, many months afterwards, yes, bitterly divided. Joey Smallwood, qui a été le premier ministre de la province de Terre-Neuve en 1949, qui se rappelle des années plus tard à quel point la question de l'adhésion de Terre-Neuve à la Fédération canadienne a profondément divisé les Terre-Neuviens de l'époque. Joey Smallwood se rappelle aussi très bien de la manière dont il a présenté aux Terre-Neuviens le choix qui s'offrait à eux, le retour à l'indépendance, comme dans les années 30, une option que lui considérait irréaliste et complètement folle, ou l'adhésion au Canada, un grand pays avec un grand avenir. In my speeches, I would tell them, responsible government as it existed in 1932, do they think we're crazy? Do they think we're gone silly? We're gone foolish in the head? Now, confederation with Canada, there is a great country with a great future, a great people, and a great nation. Chers auditeurs du Canada, et aussi de France, de Belgique, de Suisse. Vous êtes en ce moment à Ottawa et vous allez vivre avec nous pendant une heure l'un des jours marquants, un jour faste du Canada contemporain. Il y a 12 heures, en effet, au milieu de la nuit, la géographie de notre pays s'est métamorphosée. C'est ainsi, par exemple, qu'une formule consacrée pour décrire quelque chose de transcanadien, de transcontinental, c'était jusqu'à présent de Halifax à Vancouver. Désormais, cette formule n'a plus cours, car à minuit, brusquement et paisiblement, la grande île de l'Atlantique et ses vastes dépendances du Labrador sont devenues canadiennes. Et aujourd'hui, on doit dire de Vancouver à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Aujourd'hui, notre pays compte donc 325 000 citoyens nouveaux. Terre-Neuve, qui s'est endormie hier soir colonie de la couronne britannique, s'est réveillée ce matin province du Canada. À ce titre, elle retrouve son autonomie et reprend le contrôle de sa vie politique. Terre-Neuve entre donc librement, sur le même pied que les 9 provinces plus anciennes, dans notre confédération. Voici un chœur terre-neuvien qui chante maintenant quelques couplets de l'Ode à Terre-Neuve, qui était jusqu'ici leur hymne national dans cette île de l'Atlantique. C'est René Lévesque que vous entendiez lors de la diffusion de l'émission spéciale « Le jour où Terre-Neuve est officiellement devenue la 10e province canadienne » le 1er avril 1949 pour nous raconter l'histoire de cette adhésion tardive de Terre-Neuve au Canada. Mon invité Xavier Gélinas, qui est conservateur en histoire politique au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Xavier Gélinas, bonjour. Bonjour à vous. Quand on parle de Terre-Neuve, de son entrée tardive, c'est vrai qu'ils ont pris du temps, les Terre-Neuviens, à entrer dans cette fédération canadienne. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Terre-Neuve, c'est, et on l'oublie parfois, l'autre grande société distincte au pays. Oui, à l'échelle canadienne, on parle souvent du Québec comme société distincte, à juste titre, mais Terre-Neuve a aussi droit à ce titre-là. L'accent terre-neuvien est un peu différent, comme on a entendu avec M. Smallwood, la manière, la faconde de parler. Terre-Neuve a son fuseau horaire distinct. Oui. Une demi-heure plus tard que le reste du Canada atlantique, on a conduit à gauche à Terre-Neuve jusqu'en 1947. Et bien sûr, jusqu'en 1949, Terre-Neuve avec sa monnaie, ses timbres-poste et toutes sortes de mentalités aussi plus concrètes qui faisaient en sorte que vraiment, c'est une société à part. Des insulaires, ça compte aussi oui, dans l'équation. La fierté, l'isolement, oui. La distance parfois géographique entre Terre-Neuve et l'Europe est moindre qu'elle ne l'est par rapport au Canada central. Oui. Cela, finalement, marque une population. Oui. Alors, revenons à ce choix important qui sera fait par les Terre-Neuviens. Le choix est fait en 48, mais ils deviennent 10e province. Terre-Neuve devient la 10e province canadienne en 49. Qu'est-ce que ça représente? Commençons par le Canada. Qu'est-ce que ça représente à l'époque, en 49, l'adhésion de Terre-Neuve à la Fédération canadienne? D'abord, il y a un gain psychologique ou un gain de fierté nationale à l'échelle canadienne. On complète enfin la Confédération et enfin... Ce vieux rêve d'un Canada, d'un océan à l'autre. D'un océan à l'autre, la fameuse devise. On allait déjà vers l'Atlantique, mais là, vraiment, on complète complètement. Tout ce qui est au nord de la frontière américaine devient canadien. Donc, accomplissement psychologique ou sentimental national. Ouais. Et également, gain de ressources. Ressources maritimes qui étaient à l'époque tout à fait florissantes. Protection aussi au niveau de la défense, parce que maintenant, on n'a plus besoin d'avoir des arrangements particuliers, bases militaires, ententes avec Terre-Neuve, Terre-Neuve faisant partie, accès aux minerais de fer du Labrador. Ce n'est pas négligeable. C'est aussi un poids. Il y a des gains, mais il y a aussi de la dépense. Parce que, puis on va y revenir, parce que cette adhésion de Terre-Neuve, on l'aura un peu, le pouvoir central et Joyce Marlowe à Terre-Neuve, on l'aura un peu marchandé en disant « ça va mal chez vous, on va vous aider avec des programmes sociaux ». Ça va bien sûr faire partie de l'équation. Ça nous amène à parler de ce que ça représente au moment où le référendum dit « oui, on se joint à vous ». Comment c'est reçu? Qu'est-ce que ça représente pour Terre-Neuve? Oui, pour Terre-Neuve, au moment des deux référendums qui ont réglé la question en juin et juillet 1948, c'est un choix un peu déchirant. D'un côté, on abdique ou on renonce à notre ancienne autonomie, notre ancienne indépendance, mais on le fait en toute lucidité, en se disant « écoutez, matériellement parlant, nous sommes vraiment un pays qui commence à émerger de la misère. » Il faut bien dire, nommer les choses par leur nom. La Deuxième Guerre mondiale a vraiment aidé beaucoup. Mais néanmoins, Terre-Neuve demeurait une colonie vraiment pauvre par rapport au reste du Canada. Donc, un mariage de raison. Oui. L'adhésion au Canada permettait, de manière bien concrète et bien pragmatique, de recevoir des allocations familiales, des pensions de vieillesse et autres marques très concrètes qui font en sorte que le niveau de vie de la population... on l'espérait, pourrait monter. Ouais. Parler du poids économique, du poids qu'a eu l'économie et les difficultés économiques de Terre-Neuve dans ce choix de dire oui au Canada, prenons quand même le temps de mettre les choses en perspective, de rappeler aussi que, au fond, Terre-Neuve a été indépendante, a renoncé à son indépendance parce que ça allait trop mal économiquement avant ce choix de l'adhésion au Canada. Exactement. Jusqu'en 1933, Terre-Neuve était totalement séparée du Canada de la même façon que la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. C'était un dominion. Un dominion, oui. Qui, depuis longtemps, depuis 1855, avait sa chambre d'assemblée, ses ministres, son premier ministre et compagnie. Donc, on l'a dit, sa monnaie, ses timbres-poste et tout ce que vous voulez. Et puis, il n'était pas du tout lié organiquement au Canada. Il était simplement parti de l'Empire britannique. Mais la colonie devient presque en faillite. À cause de la crise économique en 1933, les intérêts sur la dette représentaient 65 % de tous les revenus qui étaient collectés dans l'île. C'était intenable. Alors, de façon lucide et résignée et très triste, les élites terre-neuviennes ont demandé à la Grande-Bretagne de prendre la colonie en charge. Et alors, pour la première fois dans toute l'histoire de l'Empire britannique, un dominion qui s'autogouvernait a renoncé. Plus d'élections, plus de démocratie, plus de parlement. Une commission de 6 membres nommée par Londres allait régler tout. Ouais. Et c'est peut-être ce pas en arrière qui va faire qu'on va se dire qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Parce que c'est quand même pas rien de renoncer à cette autonomie-là, de redevenir vraiment sujet britannique, colonie britannique. D'abord, il y a eu l'épisode de la Fédération du début du Canada, 1864, Charlottetown, 1867, la naissance du Canada. Terre-Neuve fait partie de l'équation. On se demande, est-ce qu'on fera partie ou pas du Canada? Il y a ce premier épisode-là. Oui, les Terre-Neuviens disent non de manière lucide. Après avoir discuté, après avoir été contactés, Terre-Neuve ne veut pas. Bon, Terre-Neuve veut rester en bon terme avec le Canada, mais son esprit est ailleurs et sa mentalité demeure farouchement autonome et indépendante. Ouais. Mais donc, en 1933, incident que l'on voit, la commission de gouvernement, c'est ainsi qu'on appelle le groupe de 6 membres chargés de tout faire à Terre-Neuve, c'est un régime provisoire. C'est évident qu'éventuellement, une solution plus viable devra être choisie pour Terre-Neuve. Et ça commence quand, ce processus qui va conduire à cette idée de devenir Canadien? Ça commence au lendemain de la guerre. Donc, vers 1946, la Grande-Bretagne, qui ne peut plus financièrement soutenir Terre-Neuve, la Grande-Bretagne est ruinée par la guerre, doit laisser aller ses colonies en Inde, au Pakistan, etc., etc., n'a plus les moyens et est complètement endettée par-dessus la tête. Le Canada, lui, est assez neutre et assez timide vis-à-vis d'une adhésion possible de Terre-Neuve, mais quand même garde les yeux ouverts. Oui. Et finalement, Londres nomme ce qu'on appelle une convention, une espèce d'assemblée constituante qui siégera pendant 2 ans, de 1946 à 48. C'est une convention élue, et puis les Terre-Neuviens décident entre eux, discutent du mode possible de réforme constitutionnelle. Il y a plusieurs options sur la table. Ouais. Confédération, et il y en a d'autres. Ben, en fait, il y a trois grandes options, ce qui fait qu'il y aura deux référendums. Expliquez-nous un peu la mécanique, Xavier Gina. Pourquoi un premier référendum le 3 juin 1948, oui. Un deuxième le 22 juillet 1948. Pourquoi deux référendums? C'est parce que Londres demandait à bon droit que l'option retenue, quelle qu'elle soit, ait la majorité absolue des votes. Donc, au premier référendum, il y a eu trois questions qui étaient soumises aux Terre-Neuviens. Et ça signifie qu'il y en avait même d'autres qui avaient pourtant été discutées précédemment, qui n'étaient pas soumises, telles qu'une union avec les États-Unis. Ah bon? Ou encore l'absorption totale avec la Grande-Bretagne, comme l'Irlande du Nord. Oui. Bon, solutions qui ont été débattues, mais de manière concrète, en juin 1948, référendum numéro 1, on demande aux Terre-Neuviens, que voulez-vous? Demeurer avec le régime colonial, qu'on appelle commission de gouvernement, revenir à l'ancien statut autonome ou indépendant de Dominion, ou encore adhérer à la Confédération canadienne. Les votes sont partagés. Évidemment, très peu de gens veulent rester une colonie pure et entière. Aucune des options n'obtient la majorité absolue. Alors, fin juillet 48, référendum numéro 2 pour trancher la question. Entre le retour à l'indépendance, au fond, ou l'adhésion au Canada. Oui, et c'est le Canada qui gagne avec une majorité nette, mais légère, 52 %. Ah, quand même. Comment va se dérouler cette fameuse campagne référendaire de 1948? Quels camps vont s'affronter durant cette campagne? Quels sont les arguments que l'un et l'autre de ces camps invoqueront? On écoute l'ancien ministre de l'Éducation de la province de Terre-Neuve, George Alain Frecker, en parler à l'émission Aujourd'hui, le 12 août 1964. D'une façon générale, n'est-ce pas, je pourrais vous dire que le peuple, le petit peuple, a beaucoup favorisé la Confédération. Et de l'autre côté, les grands commerçants et les gens professionnels auraient mieux voulu opter, eux, pour retourner au gouvernement responsable. Tout d'abord, ils avaient une affaire émotionnelle, n'est-ce pas? Terre-Neuve, c'était leur pays. Et ils étaient très patriotiques et ils se croyaient être trahis, d'être presque forcés, pour ainsi dire, d'entrer dans la Confédération canadienne. Ils avaient aussi des tarifs préférentiels et ils avaient une vie qui leur faisait leur affaire, comme il faut ici. Ils étaient bien à l'aise. Ils pouvaient aller en Angleterre, ils pouvaient envoyer leurs enfants se faire éduquer en Angleterre, ils pouvaient visiter la Floride et tout ça en hiver. Ils étaient bien heureux. Mais les petits gens, le peuple, lui, se trouvait bien pauvre. Et il voyait les cotisations familiales, il voyait les pensions pour la vieillesse et les pensions pour les vétérans. Tout ça, ça les attrayait beaucoup. Alors, qui s'affronte, Xavier Gélina, durant cette campagne référendaire de 48 et comment elle se déroule, cette campagne-là? Ce qu'on vient d'entendre de la part de l'ancien ministre résume vraiment bien la situation. Le camp du oui et le camp du non. Alors, le camp du oui à l'adhésion canadienne, en quelque sorte, regroupe vraiment les gens des régions loin de la ville de Saint-Jean et de la péninsule de l'Avalon, ce qu'on appelle les outports. Oui. En général, les communautés isolées, les gangs petits, les communautés qui en arrachent, qui sont soumises aux aléas de l'économie, voient avec beaucoup d'enthousiasme la possibilité de se joindre au Canada, d'avoir enfin une stabilisation du niveau de vie, oui. Et si possible, un mouvement à la hausse. Ces gens-là sont moins sensibles à l'argument émotif ou patriotique de la fierté nationale. Mmh. on voudrait avoir un peu plus de pain, de farine et de mélasse, ouais. Et un peu plus de dignité humaine et personnelle. Et le camp du oui, justement, avec Joyce Smallwood, qu'on entendait au tout début, qui sera le premier ministre de Terre-Neuve-Province et qui va être déterminant dans cette campagne-là, le camp du oui, Joyce Smallwood va en jouer abondamment de ça. Complètement. Quelle importance il va avoir à Smallwood dans cette campagne-là? Écoutez, c'est le deus ex machina. C'est un homme du peuple, c'est un orateur. Il a fait 36 métiers. Il est en phase avec le petit peuple parce qu'il en est issu. Il comprend ce que les gens qui ont plus de difficultés économiques et matérielles peuvent vivre. Il a fait 36 métiers. Il a été fermier, journaliste, fermier, éleveur de porc, animateur radio, leader syndical. Il a dû, pendant quelques années, vivre à New York et ailleurs pour gagner sa croûte. Il sait ce que c'est là, de vivre la vie difficile d'un Terre-Neuvien au 20e siècle, lorsqu'on est une petite île isolée, sujette à des décisions économiques qui ne sont pas toujours les nôtres. Alors, il y a cette espèce de fierté-là. Et du côté du non, eh bien, donc, il y a la fierté patriotique de conserver l'indépendance, ne pas se joindre au Canada. Et il y a également une lutte religieuse qui se mêle là-dedans de manière assez complexe. On voit souvent l'Église catholique de manière par ses élites cléricales qui refusent la Confédération de manière à préserver le régime des écoles. Et les protestants qui, au contraire, souhaitent leur attachement au reste du Canada, également pour des raisons religieuses. Ottawa, quel genre de rôle va jouer le gouvernement fédéral, qui est dans une drôle de position, en fait, mais quel genre de rôle ils vont jouer dans cette campagne référendaire? Une espèce de tactique qui a réussi avec grand succès. De la part des autorités du gouvernement fédéral, que ce soit par sincérité ou par calcul, pendant très longtemps, on professe ne pas être particulièrement là, intéressé à se joindre à Terre-Neuve. On dit, la ligne officielle, c'est si Terre-Neuve nous fait des avancées, des ouvertures, des contacts, nous les accueillerons avec beaucoup de sympathie et nous discuterons de manière constructive et plaisante. Mais l'initiative doit venir des Terre-Neuviens. C'est très important pour Ottawa. Pas d'ingérence. Oui, c'est ça. Pour pas que Ottawa ait l'air d'aller là-dedans avec ses gros sabots. Même chose de la part de la Grande-Bretagne. Les autorités britanniques souhaitent ardemment que Terre-Neuve se joigne au Canada de façon à libérer Londres d'un gros fardeau financier. Mais encore là, de la part de Londres, on ne veut pas avoir l'air de pousser les choses. Donc, du travail de coulisses, mais pas d'intervention publique comme telle? Exactement. Diplomatie de coulisses, profession d'amitié, d'écoute, de sympathie. Effectivement, ce sont les Terre-Neuviens qui, via leurs deux référendums, ont fait leur choix de manière libre. Mais il est tout à fait vrai que, dans les coulisses, le Canada était tout à fait prêt à accueillir Terre-Neuve et que Londres était plus que prête à s'en départir. Ouais. C'est la question économique, au bout du compte, qui va faire pencher la balance. Oui, les longues discussions qui ont eu lieu en 1947-48 ont parlé bien peu de symboles nationaux et de fierté nationale et de gloire patriotique et énormément de transferts fédéraux, d'allocations familiales, de pensions de vieillesse. C'est le nerf de la guerre et c'est l'enjeu principal de toutes ces négociations. En même temps, c'est un résultat relativement serré. Vous le disiez, 52 %. Comment c'est accueilli par la population terre-neuvienne? Ce oui, mais quand même assez faible. Oui, une fois que le oui est accueilli, il y a une période d'environ 4-5 mois durant laquelle les tenants du non, donc ceux du retour au statut de dominion indépendant, n'acceptent pas les résultats, font des contestations politiques via les tribunaux, également via la Chambre des Lords et la Chambre des communes à Londres pour dire « Écoutez, le référendum a été irrégulier, c'est pas tout à fait conforme ». Ça ne fonctionne pas. Ouais. Quand finalement le nouveau régime entre en vigueur dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1949, bon, chez les gens qui n'étaient pas en faveur de la Confédération, c'est un jour de deuil, on drape ses fenêtres de noir, etc. Grande sobriété, mais assez rapidement, une espèce de sérénité résignée voit le jour. Bon, tel est le nouveau régime, on va s'arranger pour que ça marche, pour que Terre-Neuve ne soit pas spoliée économiquement et que pour que Terre-Neuve soit respectée politiquement. Et avec les années, quel genre de bilan feront les Terre-Neuviens de l'entrée de Terre-Neuve dans la Fédération canadienne en 1949? Je vous propose d'écouter le témoignage de deux Acadiens de Terre-Neuve en parler à l'émission Présent en juin 1979, suivi d'un reportage de James Bambert présenté en mars 1989. Est-ce que 30 ans après, vous êtes fier d'être entré dans la Confédération? Oui, non. Je suis encore fier, moi. Oui, je me rappelle d'avoir eu voté pour que Terre-Neuve joigne la Confédération. Et pourquoi vous aviez fait ça? Parce qu'on vous avait promis un baby bonus? Bien, je pense que c'est peut-être pas rien que pour ça, mais tout le monde pensait que ça serait une bonne chose pour Terre-Neuve de ce temps-là, hein, si on arrêtait sur la Confédération. Hein. Par ici, on n'avait rien, on n'avait pas de chemin. Puis on n'avait pas d'électricité, on n'avait rien comme ça. Justement, une petite route, comme disons, des chemins de vache, c'est tout ce que j'avais. Bien, après ça, on a eu meilleur, on a eu des chemins, on bâtit les chemins. C'était pas du pèvre, comme on assure, mais c'était des chemins passables avec les chars à ça. Hein. Les prix pour le poisson et de quoi comme ça, le monde qui pêche à un mieux. Pour moi-même, pour ma part, je crois pas que j'ai de l'engrais que je suis sur le Canada, tu sais. Quand les Terre-Neuviens font le bilan de ce que la Confédération a été pour eux, c'est un bilan plutôt positif. Bien sûr, il y a de la pauvreté à Terre-Neuve, mais avant la Confédération, c'était la misère. Il y a beaucoup de chômage ici également, mais au moins, il y a de l'assurance chômage, il y a des programmes sociaux que Terre-Neuve n'aurait pas pu se payer toute seule si elle était restée orpheline d'une Angleterre qui n'en voulait plus et d'un Canada qui n'en aurait pas voulu. Transformée de colonie britannique en province canadienne, Terre-Neuve aujourd'hui ne s'en plaint pas. Sans doute, d'après moi, enfin, la Confédération, c'était la meilleure chose, le meilleur choix que nous pouvons faire. Et aux Canadiens qui pourraient reprocher à Terre-Neuve d'avoir apporté au pays un fardeau de nécessiteux, eh bien les Terre-Neuviens répondent qu'ils auraient bien pu faire l'annexion économique avec les États-Unis. Alors le Canada aurait été à peu près encerclé à l'est, au sud et à l'ouest par une présence américaine. Et c'est ainsi que Terre-Neuve pense avoir complété le Canada en ouvrant sur l'Atlantique ce pays qui s'était toujours dit d'un océan à l'autre. James Bamber à Terre-Neuve. Quel impact aura concrètement dans les années qui suivent ce rattachement de Terre-Neuve au Canada, Xavier Gélinas? Aux yeux des Terre-Neuviens, bon, il y a d'un côté les célébrations périodiques. Et tant que le premier ministre Smallwood a été au pouvoir, et il s'est accroché jusqu'en 1972... Quand même! Pour lui, eh bien, il fait une équivalence entre sa carrière politique et le bonheur des Terre-Neuviens et l'adhésion à la Confédération. Alors, c'est des célébrations à chaque 5 ans. Par la suite, les premiers ministres Terre-Neuviens vont toujours utiliser la question de l'adhésion au Canada un peu comme d'un levier ou d'un outil de négociation, non pas de menace, mais ouais, enfin d'avertissement. Ne nous tenez pas pour acquis. Oui. Parce que périodiquement, comme ça, là, il y a la fierté terre-neuvienne, l'orgueil de l'ancienne nation autonome et indépendante revient. Et différents premiers ministres comme Clyde Wells ou Brian Tobin ou Brian Peckford, etc., et encore dans le passé un peu plus récent, ont brandi la fierté terre-neuvienne pour faire comprendre à Ottawa, effectivement, ne nous prenez pas pour acquis, nous voulons être des partenaires de plein droit. Ouais. Et ce qui ne change pas, puis on revient à ce qu'on évoquait au tout début de l'émission, c'était là de tout temps, c'est cette identité culturelle réelle qui existe. On le voit par les chansons, par l'accent et par la politique provinciale qui est très dynamique et très agitée et fascinante à suivre. Ouais. Xavier Gélinas, vous étiez fascinant à entendre. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Je rappelle que vous êtes conservateur en histoire politique au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.